إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet de notre assise bi'iznillah azza wa jal, comme ça a été mentionné sur l'affiche, c'est l'honneur du musulman, la valeur du musulman, la supériorité du musulman, les privilèges du musulman. Et donc découle de cela la supériorité de cette communauté, la supériorité de notre livre, la supériorité de notre Seigneur. Tout autant de notions dont on a besoin, tous, car nous cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui emprunte le chemin du prophète alayhi salatu wa salam, sans aucun doute, il aura le droit d'entrer dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit: Bada al-islam ghariba wa sayaoud ghariban kama bada. L'islam a commencé et il était étrange et il redeviendra étrange tout comme il l'a été dans ses débuts. Ici s'arrête la version de l'imam Muslim rahimahullah. D'autres versions, parmi elles des authentiques et d'autres faibles. Il est mentionné que les compagnons ont dit « Waqila wa man al-ghuraba ya Rasulallah ?» Qui sont les étrangers, ô messager d'Allah ? Et le prophète alayhi salatu wa salam répondit « Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas » Ce sont les gens qui corrigent, qui font le bien lorsque les autres font le mal. Dans d'autres versions, « Alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas min sunnati » Ce sont ceux qui corrigent ce que les gens ont perverti de ma sunna. Donc celui qui fait l'effort d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait l'effort d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, sans aucun doute, il sera étranger. Il sera étrange, parfois auprès des siens, auprès de ses parents, auprès de sa femme, auprès de ses anciens amis, auprès des gens avec qui il travaille. Et pour pouvoir affronter cette épreuve-là, il a besoin d'une force intérieure. Il a besoin de savoir qui il est lui-même d'abord. Car beaucoup de musulmans aujourd'hui sont complexés, ne vivent pas bien leur religion, cachent leur religion, que ce soit des frères ou des sœurs. Et pourquoi? L'une des raisons principales, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils sont. Ils n'ont pas compris qui est le musulman, qui est Allah réellement. Et quel est le Seigneur que eux adorent, Allah, en comparaison aux autres seigneurs qui sont adorés, aux autres ilahs, aux autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas saisi non plus la supériorité de leur prophète Muhammad alayhi salatu wa salam en comparaison par rapport au reste des prophètes. Et de même, ils n'ont pas saisi la supériorité de leur livre, le Coran, par rapport aux autres livres qui existent. Ils n'ont pas compris non plus la supériorité de leur communauté, de leur ummah, par rapport aux autres communautés. Donc cette modeste assise aura pour objectif de se rappeler ces choses-là. Quels sont les privilèges et en quoi est-ce que le musulman se doit d'être fier et doit pratiquer sa religion sans éprouver aucune honte, bien au contraire en éprouvant la fierté d'être un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette force-là, on en a besoin, mes frères, car aujourd'hui on nage à contre-courant, notamment dans ce pays, dans ce lieu et dans cette époque. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Le musulman est étrange, simplement le musulman. Et celui qui se cramponne à la sunna dans les musulmans est encore plus étrange que celui qui ne s'y cramponne pas. Donc qui sommes-nous, mes chers frères? Qui sommes-nous? Nous sommes les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre Seigneur n'est pas les divinités qui sont adorées par les autres, par ceux qui ne sont pas musulmans, par les mécréants. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'ul husna wa sifatul 'ula. Notre Seigneur a les beaux noms et a les plus belles qualités. Rabbuna Sami', notre Seigneur est tout entendant. Wa ghayruhu imma an la yasma' wa imma an yakuna sam'uhu muqayyad laysa bi mutlaq ka sam'i Allah 'azza wa jalla. Notre Seigneur est tout entendant et en dehors d'Allah, tout ce qui est adoré est soit sourd, ne possède pas la qualité d'entendre ou bien à la qualité de l'ouïe, ils entendent mais n'entendent pas comme Allah subhanahu wa ta'ala lui entend. Rabbuna Basir, notre Seigneur, il a la qualité du basar, de la vue. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit n'a pas cette qualité-là, fahuwa a'ma, soit ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est aveugle, ou bien a la qualité de la vue, al-basar, mais d'une manière limitée et non pas illimitée comme Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna Alim, notre Seigneur, est omniscient. وَعِلْمُهُ مُطْلَقْ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Notre Seigneur est tout sachant et rien n'échappe à sa science, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est soit jahil, jahlun mutlaq, soit il est ignorant d'une manière totale et absolue, ou bien il porte une science mais qui est limitée, non pas illimitée comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le visible et qui connaît l'invisible. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ربنا حي. Notre Seigneur est vivant. وغيره إما ميت حاليا وإما ميت في المستقبل. Notre Seigneur est le tout vivant. Et ce qui est en dehors de lui, les autres divinités, soit elles sont mortes à l'instant où nous parlons, ou soit elles sont vivantes mais mourront un jour ou l'autre. Donc notre Seigneur, ça, c'est le premier privilège que nous avons et la meilleure des divinités. C'est pour ça que pour entrer dans cette religion qui est l'islam, nous devons obligatoirement prononcer une phrase que beaucoup de musulmans n'ont pas compris, qui est « Ashhadu, j'atteste, ashhadu, j'atteste, alla ilaha, qu'il n'y a pas de divinité, illallah, si ce n'est Allah. » Pourtant, nous venons de dire à l'instant, dans les minutes passées, qu'il y avait d'autres divinités. La vache est une divinité pour certains. L'argent est une divinité pour certains. L'arbre est une divinité pour certains. Des statues sont adorées aujourd'hui. Donc ce sont des divinités, mais qui sont fausses, qui ne méritent pas d'être adorées. Donc lorsqu'on dit « La ilaha, pas de divinité », nous sous-entendons « digne d'être adoré ».« Illallah, fananfi istihqaq al-ubudiyyati » لغير الله ونثبتها لله وحده لا شريك له يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et c'est ainsi qu'Allah est la vérité, c'est-à-dire le seul et digne, le seul digne d'être adoré, et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Ça, c'est ton premier privilège, mon frère. Tu adores Allah, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui n'a besoin de personne. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est un des sens de as-samadiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est as-samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. As-samadiyya, ça veut dire que toutes les créatures ont besoin d'Allah azza wa jal pour pouvoir combler leurs besoins. Toi comme autrui. Donc ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, tout ce qui est en dehors de ton Seigneur est pauvre et Allah est le riche. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est mort à l'instant ou mort dans le futur. Et ton Seigneur est le vivant qui ne meurt jamais. Premier privilège que tu dois garder dans ta vie et qui te permet d'être fier de ton islam et de ne pas baisser les bras devant les épreuves qui t'entourent. Deuxième privilège, mon frère, ton livre, Al-Qur'an, Kalamullahi Azza wa Jal. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux ne peut lui parvenir ni de devant ni de derrière. C'est un livre qui guide au bon chemin. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide au meilleur chemin. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Et il dit, il annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont de la part de leur Seigneur une récompense immense. Ce Coran-là est supérieur à tous les livres, supérieur à l'Évangile, supérieur à la Torah, supérieur à Zabur. Ce livre que toi, mon cher frère, aujourd'hui tu suis et tu essaies d'appliquer dans ta vie, est le seul livre que s'il est appliqué, amène au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ » مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et certes, nous avons fait descendre sur toi le livre par vérité. Et il confirme les livres qui ont été précédemment révélés. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. الْهَيْمَنَا, ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, l'a expliqué. Il a dit al-muhaymin dans le majmou'. Il a dit huwa ash-shahidul mu'taman al-hakim. C'est le témoin digne de confiance qui porte un dépôt et qui est juge. Donc le Coran a ces deux qualités par rapport au livre précédent. Il est témoin, comme a dit Ibn Taymiyyah, fil khabariyat. Il est témoin dans les informations. Les informations qui ont été apportées précédemment dans l'Évangile, dans la Torah, dans les psaumes de Daoud alayhi salam ou tout autre livre, s'ils sont confirmés par le Coran, nous les confirmons. S'ils sont démentis, nous les démentons. Nous disons alors qu'elles n'ont pas été apportées. Et aussi, il est hakim fil amriyat, et il est juge dans les ordres et les interdits qui ont été dits précédemment. Donc ce qui a été révélé précédemment et qui est contenu dans le Coran et confirmé, nous l'acceptons. Ce qui a été révélé précédemment et qui a été abrogé, nous ne pouvons plus l'appliquer. Le seul livre qui aujourd'hui amène au paradis est le Coran. Que ceci soit clair dans la tête de tout frère et de toute sœur. Car nous entendons des musulmans aujourd'hui qui disent du kufr, de la mécréance sans s'en rendre compte. Ils disent huma adum kitab dialum, dak el kitab hta huwa. Ra adum kitab dialum, adum el ilah dialum. عندهم جنة ديالهم وإحنا عندنا جنة ديالنا لا أبدا منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليست الجنة إلا لنفس مسلمة إلا لنفس مسلمة مؤمنة تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ومن جاء يوم القيامة وهو متبع لغيره فمصيره النار وليس له إلا هذا المصير. هذه العقيدة تكون راسخة في قلوبنا أيها المسلمون. Nous entendons des gens qui disent aujourd'hui, ils ont leur religion, ils ont leur livre et leur prophète, et nous avons le nôtre. Et dans l'au-delà, comme on entend, tous les chemins mènent à Dieu. C'est faux. Il n'y a qu'un chemin qui mène à Allah. C'est le chemin du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Toute personne arrivant le jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'étant pas derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura comme point de retour la géhenne. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit والذي نفسي والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, il n'y a pas une personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, qui entend mon envoi, puis qui ne croit pas à ce que j'ai apporté sans qu'elle fasse partie des gens du feu. Cette croyance doit être ancrée dans le cœur de chacun. Un seul chemin mène au paradis, c'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, qui est donc la pratique du Coran. Donc ce livre-là, il est muhaymin, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul livre qui aujourd'hui appliqué amène au paradis. Donc ce livre-là n'est pas équivalent au livre précédent. Lève la tête, irfa ra'sak, wa'alam, man ant, sache qui tu es. Anta sahibu Qur'an. Tu es quelqu'un qui lit le Coran. Tu es quelqu'un qui pratique le Coran. Le seul livre qui pratiquait amène au paradis. Ton prophète est supérieur à tous les autres prophètes. Nous croyons en tous les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète Muhammad ibn Abdillah est supérieur aux autres. Même si certains hadiths sont rapportés qui disaient « La tufaddiluni ala ahadin min al-anbiya » Ne me rendez pas supérieur à quiconque. Ne me rendez pas supérieur à quelque prophète que ce soit. Comme on dit, les explicateurs des hadiths, ceci faisait partie de la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais bil ijma', le consensus des savants existe sur le fait que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le meilleur des prophètes. Imagine, akhi, que tu fais partie de la communauté qui s'identifie au meilleur des humains. Et de ce fait-là, les meilleurs, donc poursuivants d'un prophète, ce sont les poursuivants du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Même les compagnons, et ça c'est des points de aqidah, sont mieux que Al-Hawariyoun de Isa alayhi salam. Les apôtres de Isa alayhi salam, eh bien ils sont en degré inférieur aux sahaba, radiyallahu anhum. Les meilleurs gens après les prophètes sont les gens qui ont été en compagnie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi qarni » Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle. « Thumma alladhina yalunahum » Puis ceux qui les ont suivis, « At-tabi'un » Les poursuivants, ceux qui ont vécu avec les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le deuxième siècle. « Thumma alladhina yalunahum » Puis ceux qui les suivent, donc « Tabi'u at-tabi'in » qui sont les poursuivants des poursuivants, ceux qui ont vécu avec At-Tabi'un. Donc ta ummah, ta communauté est la meilleure des communautés. Car c'est la communauté du meilleur des humains, du meilleur des prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Tous nous croyons en eux, mais le meilleur est Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette ummah-là est la meilleure des communautés. Bin nass al-Qur'an, selon le texte coranique, Allah dit dans sourate Ali Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. Ayyuhan nas, ayyuhal ikhwa, c'est Allah qui nous parle. C'est Allah qui nous parle. Et regardez comment il nous a interpellés. Vous, il a dit. Il n'a pas dit la communauté du prophète alayhi salatu wa salam est la meilleure des communautés. Kuntum li ish'arika ayyuhal muslim annaka ala qimatin azima. Pour te montrer, ô musulmans, que tu as une valeur extrêmement élevée. Vous êtes la meilleure des communautés. Ô kharijat linnas, suscité, sorti aux gens. Ta'muruna bil ma'aruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhauna anil munkar, et vous interdisez le blâmable. Il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, dans le Musnad de l'imam Ahmed aussi, et d'autres, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Antum tutimmuna. 70 ummah wa antum khayruha wa akramuha ala Allah. Vous complétez 70 communautés et vous êtes la meilleure et la plus honorable pour Allah. Vous êtes la meilleure, ô musulmans, la meilleure des communautés, la meilleure des communautés, meilleure que la communauté de Isa alayhi salam, meilleure que la communauté de Moussa alayhi salam, meilleure que la communauté de Ibrahim wa qis ala dhalik alayhi salam. Meilleur que toute communauté, de manière totale et absolue, cette communauté-là, la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain, ka mathali rajulin ista'ajara ujara, faqala man ya'malu li min al-ghadwati ila nisfi al-nahari ala qirat. فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس إلى أن تغيب الشمس فعلى قيراتين على قيراتين على أجر مضاعف فأنتم هم أي عملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال الله تعالى: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أتيه من أشاء. الحديث في صحيح البخاري. Ibn Omar radiallahu anhu m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre exemple est l'exemple des gens des deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, sont l'exemple de quelqu'un qui a employé des travailleurs et qui a dit: qui veut travailler du matin jusqu'à la mi-journée pour une part? Alors les juifs ont travaillé la plus grande partie de la journée, toute la matinée les juifs ont travaillé. Puis il a dit: qui veut travailler de la mi-journée jusqu'à la prière du Asr? Alors les chrétiens ont travaillé pour une part. Il a dit: qui veut travailler de la mi-journée jusqu'à la prière du Asr à la Qirat? À la Qirat pour une part. Puis il a dit: qui veut travailler de la prière du Asr jusqu'à ce que le soleil se couche? Et nous travaillons, les musulmans, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les juifs et les chrétiens se sont mis en colère et ont dit: pourquoi est-ce que nous travaillons plus et nous avons un moindre salaire? Allah leur a dit: est-ce que je vous ai diminué de votre droit? Ils ont dit non. Il a dit: tel est mon bienfait que je donne à qui je veux. Tel est mon bienfait que je donne à qui je veux. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette communauté-là, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit dans sourate al-Baqarah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté wasat, c'est-à-dire juste. Al-wasato, c'est al-adl, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith que nous allons citer ensuite. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, afin que vous soyez témoins donc contre les gens et que le prophète soit témoin donc envers vous. Dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, selon Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: يَجِئُ نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ بَلَّغْتْ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيِّ رَبْ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيِّ رَبْ فيقول لأمته, الله يقول لأمة نوح عليه السلام: هل بلغكم؟ فيقولون: لا, ما جاءنا من نبي. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال عليه الصلاة والسلام: وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: الوسط العدل. الوسط العدل. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, le hadith est authentique, il est dans le Bukhari: Nuh عليه السلام, le prophète que vous connaissez tous, viendra يوم القيامة. Allah le questionnera: est-ce que tu as transmis le message? Il va dire: bien sûr, mon Seigneur. Puis Allah va interroger la communauté de Nuh et va dire: est-ce qu'il vous a transmis le message? Ils vont dire: non, on n'a pas reçu de prophète. Puis Allah va questionner Nuh et va lui dire: qui témoigne pour toi? Donc qui témoigne que tu es véridique? Il va dire: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Et nous allons venir et nous allons dire: oui Allah, effectivement nous avons lu dans le Coran, dans ta parole, l'histoire de Nuh et de sa communauté, et il est venu et il leur a parlé, comme c'est dit dans Sourate Nuh, et eux se couvraient la tête, se mettaient les doigts dans les oreilles, etc. Et le prophète alayhi salatu wa salam ensuite dit: et ainsi est la parole d'Allah, donc dans Sourate Al-Baqarah, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté wasata, c'est-à-dire juste témoin, afin que vous soyez témoin envers les gens et que le prophète soit témoin envers vous. Et il a ensuite dit le prophète alayhi salatu wa salam: al-wasat, c'est al-adl, le juste. Imaginez ce privilège, ayyuha al-ikhwa. Nous serons témoignants yawm al-qiyamah. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi, il a dit dans son explication d'Al-Bukhari Fath al-Bari, il a dit que ceci n'est pas spécifique donc entre nous et la communauté de Nuh, mais ça aura lieu pour tous les prophètes. À chaque fois qu'une communauté dira: non, on n'a pas reçu de prophète, nous on viendra inshallah. On dira: si, regardez dans le Coran vous étiez marqué, et on dira à Allah subhanahu wa ta'ala qu'effectivement cette communauté avait reçu un prophète. Allahu Akbar. Donc telle est notre communauté, supérieure à toute autre communauté. Et ça doit nous donner une force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour être sur les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Observez les gens de ce bas monde, comment est-ce qu'ils éprouvent de la fierté, parfois pour un maillot de foot, parce qu'il porte le maillot de la dernière équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Alors il tourne en ville, fier d'avoir ce maillot-là, avec tel sigle, avec telle couleur, car il sait qu'il s'identifie à une équipe qui a une certaine notoriété. Et comment est-ce que le musulman qui s'identifie à la meilleure des ummah, à la meilleure des communautés, qui a été cité dans le Coran, dans Surat Al-Imran, comme étant la meilleure des communautés, selon la parole d'Allah, comment peut-il baisser la tête? Comment peut-il cacher sa religion comme il le fait au travail et faire sa prière en secret? Comment est-ce qu'il peut éprouver de la honte à dire qu'il ne peut pas venir au pot qui est offert par l'entreprise parce qu'il y aura de l'alcool sur la table, et il va esquiver cela en disant qu'il est sportif, il ne boit pas d'alcool et n'osera pas dire que sa religion, l'islam, interdit cette boisson-là qui est néfaste pour toute personne. Seule la fierté d'être musulman et la science, la connaissance de ce qu'il est et de qui il adore et de quel livre il suit et de quel prophète sallallahu alayhi wa sallam il suit et quelle est sa communauté, la science de tout ça permettra à cette personne de faire preuve de constance. Et tel était l'état des compagnons radiallahu anhu. Les compagnons n'étaient pas complexés face aux Perses, ils n'étaient pas complexés face aux Romains. Bien au contraire, lorsqu'ils allaient chez eux, ils allaient là-bas avec fierté, car ils savaient qu'ils portaient la vérité et que ces gens-là portaient le faux. Rib'i ibn Amr radiallahu anhu a été celui qui a été envoyé à Rostom. Cette histoire-là est rapportée dans Tariq al-Tabari, qui n'est pas rapportée dans un recueil authentique, mais la ba'as, la yuthbutu biha hukmun shar'i, il n'y a pas de halal, de haram dedans. Fallahu a'lam, c'est une histoire qui est relatée par les savants. L'imam al-Tabari l'a rapportée dans son Tariq, dans son recueil d'histoire. Les musulmans ont reçu donc un message de la part de Rostom qui demandait à ce que les musulmans envoient quelqu'un afin de discuter. Et ils ont envoyé Rib'i ibn Amr. Au début, ils se sont concertés, ils voulaient envoyer plusieurs personnes. Rib'i a dit, je les connais, et ces gens-là, ce sont des gens qui ont beaucoup de rhétorique, ils ont un bon parler et de la poésie. Si on y va plusieurs, on risque de diverger, et ce n'est pas bon pour nous. Envoyez-moi tout seul. Et il est parti tout seul. Sur un cheval de petite taille, avec une épée qui était, comme c'est rapporté dans la version de Tabari dans son Tarir, qui n'avait comme étui qu'un morceau de tissu, et il portait sur lui donc un kamis rapiécé, et il avait un bouclier de cuir qui n'était même pas métallique. Il est arrivé donc aux portes du royaume, et étaient les gardiens présents, les gardiens étaient présents. On dit, qu'est-ce que tu es? Il a dit, non, moi je suis Rib'i ibn Amr. Ils lui ont dit, descends de ta monture. Il a dit non. Ils lui ont dit, pose tes armes. Il a dit non aussi. Il a dit, c'est vous qui m'avez appelé et je ne viendrai que comme je veux et sinon je repars. Il a dit, je veux parler à votre chef, à Rostom. Ils sont allés le voir et il a ordonné donc que entre Rib'i ibn Amr radiallahu anhu. Rib'i n'est pas descendu de sa monture. Il est monté avec sa monture sur les tapis des mécréants et les a salis avec les sabots de sa monture. Et ils avaient préparé beaucoup de choses pour pouvoir lui en mettre plein les yeux. Ils avaient mis des coussins en soie, en étoffe, des tapis luxueux, des divans. Et lorsqu'il passait, il passait avec sa lance et déchirait ces choses-là. Il déchirait ses coussins et ses lances-là, et ces étoffes-là, ces différents tissus, jusqu'à ce qu'il arrivait devant Rostom. Et à ce moment-là, il est descendu de sa monture. Et le sol était luxueusement tapissé et il a déchiré ce qu'il y avait par terre. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, notre religion déteste de s'asseoir sur le luxe que vous avez. Puis il a parlé à Rostom. Il a dit, qui tu es? Qui tu es? Maja abik, qu'est-ce qui t'a amené? Qala ja abin Allah, c'est Allah qui nous a amené. Ja abin Allah, c'est Allah qui nous a amené. Linukhrij al-ibad. Afin de sortir qui il veut de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures. Et de l'étroitesse de ce bas monde jusqu'à vers la largesse de celui-ci. Et de l'injustice de vos religions vers la justice de l'islam. Et les gens regardaient Les gardiens de Rostom étaient étonnés de l'audace de ce musulman qui était tout seul et qui parlait à cette personne-là avec cette fierté, cette izza, cette puissance. Ensuite, il leur a dit, nous sommes venus à vous avec trois choses. La première, que vous rentrez en islam et vous aurez les mêmes droits et devoirs que nous. La seconde, c'est que vous donniez al-jizya. Dans Tarikh Tabari, c'est rapporté al-jaza. Que vous donniez al-jizya, l'impôt. Et à ce moment-là, il lui a dit, nous vous défendrons contre tout ennemi lorsque vous aurez besoin de nous. Et si vous ne voulez pas ces deux-là, alors nous vous combattrons حَتَّى نُفْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ. Alors nous vous combattrons jusqu'à ce que nous arrivions à la promesse d'Allah. قَالَ وَمَا مَوْعُودُ اللَّهِ. Il a dit, quelle est la promesse d'Allah? قَالَ الْجَنَّةُ لِمَنْ قُتِلْ. الْجَنَّةُ لِمَنْ قُتِلْ وَالضَّفْرُ لِمَنْ بَقِي. Il a dit, ce sera le paradis pour celui qui est tué parmi nous et ce sera la victoire pour celui qui restera parmi nous. Regardez comment est-ce que les sahaba radiyallahu anhum parlaient à cette personne-là. Pas par orgueil, pas par mépris, mais par fierté de ce qu'il est. Par fierté de ce qu'il est. Car ils savaient qui ils étaient. Et ils ont proposé le message comme il était. Pas bafoué. Ils ne l'ont pas bricolé, rafistolé pour pouvoir être en accord comme font beaucoup de prêcheurs aujourd'hui, hélas. Aujourd'hui dans ce pays, qui déforment l'islam afin de pouvoir le rendre compatible aux passions des non-musulmans. Et ce n'est pas le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas le chemin qui a été emprunté par les sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba radiyallahu anhum ont apporté le message comme il a été apporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par cet apport-là sincère et net, originel, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, les gens sont entrés en islam. Mais lorsqu'on l'a bafoué et qu'on a essayé de le rendre compatible aux passions des gens, les gens sont beaucoup moins entrés qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ayyuhal ikhwa, nahnu muslimoun, nous sommes musulmans. Et nous avons un rôle ici. Nous avons un rôle qui est d'abord d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne nous cachons pas, les épreuves existent. Les épreuves existent parfois avec les parents. Combien de parents parfois mettent des bâtons dans les roues à leurs enfants? Oh jeune, tout le monde le sait ça. Quand tu prends le droit chemin, parfois ils te font plus d'ennui que lorsque tu étais dans le monde des voyous. Vous entendez ces paroles? Faites attention. Fais attention. Le dîn c'est doucement. Le dîn c'est dans le cœur. Va pas trop vite mon fils. Parfois ils vont t'empêcher de faire le fajr. Parfois tu vas trop lire le Coran et ils vont se parler entre eux. Parfois il lit trop le Coran. Il dit, je crois qu'elle a perdu la tête. Pas perdu la tête au quartier avec la musique à fond. Il a commencé à trop lire le Coran. Et bien ils disent, il est devenu fou. Même les gens du quartier, tes anciens amis, on dit, il est tombé dans le din. On dit, il est tombé dans la drogue. Maintenant, il est tombé dans le din. Rah fi hamskin. Il est tombé dedans. Donc tu seras éprouvé par tes anciens amis qui vont te radier de leur portable. Et souvent, tant mieux, ils vont te radier aussi ta boîte mail. Ils vont couper avec toi. C'est fini, c'est un autre camp. Et donc il faut résister à ces épreuves. Parfois c'est avec l'épouse. Ou parfois l'épouse, c'est une épreuve avec son mari. Ça existe. Ils se sont mariés tous les deux et ils avaient un niveau, on va dire, 10 sur 20 dans la religion. Et le mari, il a une poussée de foi. Et il veut avancer maintenant. Alors il a fait pousser la barbe. Parfois il veut mettre le kamis. Elle lui dit non. Sa femme lui a dit, écoute, tu rentres au centre commercial, tu mets le sarouel. Je vais peut-être rencontrer, un collègue de travail ou ça. Tu vas me faire honte là, comme ça. Ou la barbe, oui, mais pas trop longue. Et parfois c'est le contraire. Parfois c'est la sœur qui va être éprouvée par son mari. Elle veut changer de tenue et se mettre dans une tenue plus pudique. Le mari va lui dire non, tu mets le gilbeb, je divorce. Donc ça c'est des épreuves. Qu'est-ce qui va nous permettre de surpasser ça? Al-iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir quel est le chemin que tu as emprunté. Savoir quel est le livre que tu suis. Quel est le prophète que tu suis. Quelle est la communauté à laquelle tu appartiens. Tout ce que tu as comme composante de ta religion, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur seigneur, le meilleur livre, le meilleur prophète, la meilleure umma, la meilleure qibla, tu es orienté vers la Mecque, qui est le meilleur endroit. Les gens auparavant étaient orientés vers le Quds. Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés vers le Quds dans le début du message. Et ensuite nous a orientés vers la Mecque. Tu es le privilégié sur tous les plans. Donc il ne faut pas baisser les bras et il faut faire preuve, Inch'Allah, de constance. Et l'épreuve est une implication obligatoire de notre religion. Celui qui adore Allah et se cramponne à la sunnah, il aura comme implication dans sa vie des épreuves. Tu ne peux pas échapper à cela. Tu ne peux pas échapper à cela. Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils soient éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Alors que certes nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Afin qu'Allah sache, donc ceux qui sont véridiques, car la prétention لا إله إلا الله par la langue est facile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut voir cette véracité, cette sincérité dans son serviteur, donc il l'éprouve. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et afin qu'il connaisse les menteurs. Donc Allah va t'éprouver. Tu as déclaré que celui que tu aimes le plus, c'est Allah. Allah va t'éprouver dans cet amour que tu as déclaré. Tu as déclaré que le seul que tu adores, c'est Allah. Et que l'adoration ne peut pas être vouée à autre que lui. Allah va t'éprouver aussi dans ce point-là. Al-Hassan al-Basri a appelé le verset de Surat Ali Imran Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve, qui est قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dis, si vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِي. Suivez-moi alors, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés et il est le tout pardonnateur, le tout miséricordieux. Hassan al-Basri a appelé ce verset-là Ayatul Imtihan. Car nous prétendons son amour et Allah nous éprouve afin de voir si nous sommes véritablement amoureux d'Allah. De même, nous prétendons la ilaha, qu'il n'y a qu'une divinité digne d'être adorée, c'est Allah. Donc Allah va nous éprouver. Et notamment ici, dans ce pays-là, on va être fortement éprouvé. Donc il faut se cramponner. Il faut se cramponner. Et en aqidah, en croyance, il n'y a pas de concession. Est-ce qu'il y a des concessions? Il y a des concessions ou pas? En aqida. Est-ce qu'on peut faire des concessions en tawhid? On ne peut pas. Il est où le délil? Parce qu'il faut le délil. Quel est le délil? Vous le connaissez tous. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Pourquoi elle est descendue de cette sourate? Quraysh est venu au prophète alayhi salatu wassalam. On adore un petit peu Allah, t'adores un petit peu les statues avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas accepté. Même pas une seconde. Une seconde, let wal uzza, et vous donnez toute votre vie pour Allah, il n'a pas accepté. Car il n'y a pas de concession à aqida. En croyance, il n'y a pas de concession. Et aujourd'hui, on est attaqué au niveau de nos croyances, au niveau du tawhid, au niveau de l'alliance et du désaveu. Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est s'entraider mutuellement par ces assises modestes, en se faisant des cours, même si on n'a pas un grand bagage. Il ne faut pas attendre d'être le mufti d'Avignon pour pouvoir commencer à faire un programme et se donner mutuellement des rappels, s'inviter les uns les autres. Et avec ça, Inch'Allah, on fera preuve de constance. Et quel est le devenir de ceux qui sont constants? إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Zid. Non, c'est l'autre. Celle-là, tout le monde la connaît parce que les du'at, ils disent toujours تَتَنَزَّلُوا. Non, mais moi, c'est l'autre. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceux qui disent que Allah et leur Seigneur, leur adoré pu, font preuve de constance, quel est leur devenir? Le paradis. Khalidina fiha, ils y seront toujours. Mais il faut résister aux épreuves. On se moquera de toi, on te prendra en dérision. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Les criminels se moquaient des croyants. Ils se moquent d'eux. Ils se moquent de toi. Wa idha marru bihim yataghamazun. Et lorsqu'ils passent devant eux, ils se font des signes, des grimaces, des clins d'œil. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils se moquent, ils se plaisantent à table. Ils se moquent du barbu qui travaille avec eux, il se moque de la, du voisin, il se moque de ceux qui vont à la mosquée, il se met une vidéo, il les regarde en train de se prosterner. Regarde, en 2013, il pose encore le front par terre. Il se moque des croyants. Ils se sont moqués du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ Et là c'est le comble. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ Et lorsqu'ils les voient, ils disent mais ils sont égarés ceux-là. Hein, ils sont égarés, les musulmans ils sont égarés. Ils sont perdus les pauvres. Il faut les ramener au bon chemin de la paix, de l'amour, du respect, du progrès, de la modernité, etc. Le discours connu. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite ? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Aujourd'hui, les croyants, ils se moquent des kuffars. عَلَى لَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Sur les divans, ils le regardent. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Est-ce qu'ils ont été récompensés, les kuffars, de ce qu'ils faisaient ? Rira bien, qui rira ? Le dernier. Mais nous, on est plein de rahman, nous, on leur veut le bien. Non, on ne dit pas, moque-toi de moi, Allah, il va te brûler. Non, on lui veut le bien, qu'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un nous se moque de nous et fait ce qu'on appelle l'istifzaz, il te nargue, il cherche à te mettre en zone rouge pour que tu débordes et que tu lui en poses une, non, toi tu réponds par le bien. Idfa' billati hiya ahsan. Réponds par la meilleure manière. Il n'a pas dit idfa' billati hiya hasana. Réponds par la bonne manière, non, par la meilleure manière. Billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Et tu verras que celui entre toi et qui il y a une adawa, une adversité, ka'annahu waliyun hamim. C'est comme si c'est un ami intime. Il n'a pas dit fa'innahu waliyun hamim. Il n'a pas dit ça devient alors un ami intime. Non, c'est comme s'il était un ami intime. Idha ahsanta ila al-ghayr, ujbira an yakuna mithla al-hamim. Lorsque tu te comportes bien avec quelqu'un, il est condamné à se comporter avec toi de la meilleure manière. Il fait des blagues sur les musulmans, toi tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Ah, tu peux le terrasser. Hein, même lui, il le sait. Mais c'est ce qu'il cherche. Après, tu vas te faire licencier ou ça. Et ce n'est pas la solution. Toi, tu ne réponds pas. Tu gardes ton contrôle. Il se moque sur l'islam, etc. Et toi, tu gardes ton contrôle. Après, il est obligé de te respecter. Bon, reste une catégorie, ils ont vraiment tête carrée, même t'as un super comportement, il reste quand même dedans. Et ça reste minoritaire. Une personne qui fait du mal une fois, 200 fois, et qui voit toujours que le bien émerge de la personne en face, au bout d'un moment, Allah il lui a donné une fitra. Il lui a donné une fitra, une saine nature, où il sait que c'est lui qui est mauvais. Et il se peut qu'un jour, il revienne vers toi, hein, et entre dans l'islam. Tout comme cette personne qui est venue au prophète alayhi salatu wassalam et qui a tiré le prophète alayhi salatu wassalam méchamment et qui lui a donné et qui lui a dit donne-moi de l'argent qu'Allah t'a donné. Donne-moi de l'argent qu'Allah t'a donné. Et Omar, comme à l'accoutumée, il sort l'épée, laisse-moi lui faire la peau. Et ils ont fait peur à cet homme-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Omar, tu vas dans donc l'argent du trésor public et tu lui donnes une part d'argent, tu lui donnes de l'argent par rapport à la frayeur que tu lui as fait. Et c'était un juif. C'était un juif. Après la personne, elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam que ce que j'ai fait là, hein, je l'ai fait exprès. Parce que j'avais vu tes qualités dans la Torah. Ta description est présente dans la Torah et j'avais vu toutes les qualités sur toi sauf une. C'est le hilm que tu réponds au mal par le bien. Et j'ai voulu la voir apparaître. Il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah » Donc avec la patience, la constance, l'akhlaq, Inch'Allah, on jouera le rôle qu'on a joué ici. Le rôle qu'on a joué ici, ce n'est pas prendre l'argent de la CAF. Ce n'est pas manger bien, dormir bien, avoir une belle maison. Non. Pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est parce qu'on doit présenter le message aux mécréants. Ceux qui sont autour de nous, ton voisin, ton patron, les collègues de travail, tous ces gens-là. Tu dois t'efforcer, pas obligatoirement par la parole, tu peux par la parole. Si Allah t'a donné, tu arrives à parler, présenter le message d'une bonne manière, par la parole, mais le mieux c'est par le comportement. Par le comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'utilise pour sa religion, tu as tout gagné. Touba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa mighlaqan lishar, bonheur à celui dont Allah, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une clé pour ouvrir le bien et pour fermer le mal. Wa waylun liman ja'alahu Allah miftahan lishar wa mighlaqan lilkhair. Et malheur à celui dont Allah en a fait une clé pour fermer le bien et ouvrir le mal. Donc avec le bon comportement, tu seras une cause bi'iznillah et Allah t'utilisera, sachant que la guidée appartient à Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: La an yahdi Allah bika rajulun wahida khayrun laka min humurin na'am. Si Allah guide par ta cause une seule personne, c'est mieux pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. والله اعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين